À l'occasion des 50 ans de la publication du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, dit le dictionnaire Métron, nous allons toute la semaine, et nous vous parlons toute la semaine dans la Fabrique de l'histoire des ouvriers et des ouvrières au 19e et 20e siècle. Hier, nos deux invités, Clarisse Loras et Maurizio Gribaudi, ont cherché tous les deux à nous montrer comment les réformateurs sociaux, les architectes, les maires, les politiques avaient tenté tout au long du 19e et du 20e siècle de transformer, parfois malgré eux, l'habitat en particulier des ouvriers et des ouvrières. C'était donc une façon de concevoir la société qui était à l'œuvre entre le 19e et le 20e siècle. Demain, dans l'émission du mercredi, nous aurons un débat autour de cette entreprise éditoriale gigantesque qui a été cette entreprise collective du Métron, donc le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, et jeudi, eh bien, une enquête sur les enquêtes ouvrières des 19e et des 20e siècles. Et aujourd'hui, nous vous emmenons du côté de la Meurthe-et-Moselle, de Chaligny très exactement, là où une filature, la Filoche, a eu quelques difficultés au début des années 70. Il y a donc eu des grèves, c'était des femmes qui travaillaient dans cette filature, des grèves, et donc le documentaire s'appelle naturellement « Quand la Filoche c'est Filoche », il est signé Séverine Yattard et Anne Fleury, avec les témoignages de Jackie Boutron, de Paulette Goguet, d'Annie Laurent, de Janine Olmy, de Philippe Pinault, d'Annie Ravaillé, de Claudette Robert-Vérel et de Joël, de Jean-Paul Vinchelin et d'Yves Vinchelin. Voilà, ben ça c'est par là que tout le monde rentrait, quoi. C'était là la grosse cohue. Tous ceux qui sortaient de la filature, tous ceux qui sortaient de l'usine, de la maison, alors là, fallait pas se réveiller là à midi, hein. C'était vraiment... Regardez le style de toiture. Ben, c'était pour avoir la lumière d'un côté. Il y avait des éclairages néons, mais 90% de la lumière, c'était tout par des verrières. Il faisait très chaud du coup l'été, c'est ça, certainement. Ah oui, puis très froid l'hiver. Alors là, il y avait tout ce qui était teinture, lavage. Puis sur le haut, c'était tout ce qui était couseuse, la coupe, tout ça. Les patrons, ils faisaient les patrons et tout. Mais ça allait sur le derrière, encore il y a encore un grand bâtiment là, c'était immense. Alors Jackie Boutron, là on est devant, hein, oui. Devant la médiathèque aujourd'hui, oui. Mais devant voilà, la filoche, la filature. Oui. Donc la façade a été préservée. Enfin... Voilà, tout le fronton là a été préservé, et ben, à la demande de beaucoup de gens. Tout le monde avait un petit peu le pince-cœur. On a déjà écroulé toute la filature. Il fallait qu'on garde au moins quelque chose. Quoi. C'est un symbole, quoi. C'est un symbole, oui. Ouais. Quand la filoche s'effiloche, la bataille pour l'emploi des tricoteuses de Chaligny. Philippe Pinault, alors, vous êtes le maire de Chaligny. Et nous sommes là à la médiathèque La Filoche, hein, puisque c'est cette entreprise dont le projet a été de reconvertir les bâtiments et d'en faire une médiathèque. C'est un peu vous qui êtes à l'initiative de ce projet, où il y avait déjà... Alors, en fait, à 300 mètres d'ici, on a démoli ce qu'on appelait, nous, la Copette, le magasin des cités, pour en faire une crèche. Et on l'a démoli un peu brutalement, c'est-à-dire sans rien faire, sans prévenir qui que ce soit. Il y a eu dans le quartier, légitimement, du mal vécu, et j'ai bien retenu la leçon, en disant qu'on n'avait pas le droit d'enlever le patrimoine visuel qu'on avait depuis plus de 100 ans, sans marquer le coup et sans faire quelque chose. Quand on prend la décision de faire de cette filoche un établissement culturel autour de la lecture publique et autour des gamins avec la ludothèque qui est un peu au-dessus, je précise tout de suite qu'il est hors de question qu'on démolisse l'usine sans organiser auparavant un témoignage. Il y a eu plusieurs choses. Hasard des rencontres, on a Stéphanie Schneider chez nous, auteur pour enfants. Et rapidement, on se met d'accord sur l'idée qu'elle pourrait nous animer un atelier d'écriture pour permettre que les filles et les garçons de la filoche mettent sur le papier tout simplement ce qu'elles ont vécu ici, dans l'usine. L'ouvrage a été édité par la mairie de Chaligny, éditeur, et ça a été le point de départ d'un festival culturel. Les ouvriers ont recréé une chorale, il y a eu des spectacles de danse contemporaine, bref, il y a eu pendant 10 jours une dernière fête, une dernière vie dans la filoche, avant la démolition et l'accueil. 2 ans plus tard, et l'ouverture de la médiathèque, qu'on a voulu vraiment garder, la filoche. Tout est imprégné, hein, salle de la bobinette, la bobine, la salle du patchwork, bref, pour vraiment garder une trace de notre patrimoine, mais en même temps, inscrire ce patrimoine-là dans le 21e siècle, et principalement en direction des enfants. Ça, c'était le pari, pas facile. On est dans un bassin ouvrier, la culture c'est pas pour nous. Chaligny c'est une petite commune de 3000 habitants. On a aujourd'hui 1000 personnes de Chaligny qui sont inscrites à la médiathèque. Et ça c'est plutôt une réussite. Et là, alors, lors de cet atelier d'écriture, vous avez chacun participé, écrit. C'était super bien. C'était ça, on avait une fille qui nous a vraiment bien orienté sur tout ça. On pensait pas faire ça, de toute façon. Mais c'est vrai. Ça devait durer un mois et on a mis 3 mois, non, à peu près. Plus que ça. On a mis plus d'une année. Une année? Bah oui, on a mis plus d'une année pour faire le bouquin. Bah, c'est-à-dire que tout venait venu se greffer, la destruction de la filoche, tout, donc on a refait des machins, des défilés, des coutures, il y a eu des projections, il y a eu des tas de trucs, on a refait des repas et tout. Donc la partie, et puis ça a fait du bien, On a commencé, on n'était pas beaucoup, après on est terminé, on était combien? Une vingtaine quand même. Et donc, ça a fait ressortir, il y a des gens qui ne pensaient pas qu'ils le disaient, ils ont ressorti des trucs de... Pas des écrivains, mais même des poètes. Hein. Il y a eu des poésies sorties, c'était vraiment bien. Hein. Puis bon, ça reste gravé dans les têtes. Et puis les jeunes, on était dans les écoles aussi. Ah oui, on a fait les écoles. Les jeunes qui voulaient savoir, c'était la curiosité, tout ça. C'est bien, franchement bien. Belle expérience. Jean-Paul Vachelin, maire de Neuve Maisons et conseiller général du canton. C'est-à-dire que la culture a été quelque chose chez nous qui n'existait pas avant la reconversion. La reconversion a eu deux sens. Reconversion économique, reconversion des hommes et des femmes dans leur tête et dans leur façon de fonctionner. Et ici, on a créé la filoche, la médiathèque, pour démontrer véritablement que cette culture que nous n'avions pas eue avant 30-35 ans, parce qu'elle a été kidnappée par le paternalisme, le paternalisme, lui, il organisait la vie sociale suivant les grades. Donc vous étiez ingénieur, vous aviez une plus belle maison, vous aviez le droit à telle association, vous aviez le droit à telle vie par rapport à l'ouvrier qui avait telle autre association, etc. Un exemple, c'était la musique. Les contremaîtres et les ingénieurs allaient à l'harmonie. Les ouvriers avaient le droit d'aller à ce qu'on appelait la clique. C'était quand même comme ça, c'est-à-dire on n'avait pas ces droits-là. Et là, on s'est dit, on ne pouvait plus garder la filature. Gardons ce mur avec cette horloge pour démontrer véritablement qu'elle existe toujours et qu'au travers de cette expression de la culture, eh ben, on lie l'économie, c'est-à-dire les anciens, à la nouveauté de cette médiathèque et de cette possibilité que les gamins sachent qu'ils sont dans des lieux historiques et dans des lieux qui sont bons à vivre. Alors, je lis là. Ô toi, dame pendule, que personne ne bouscule, n'as-tu jamais retenti, même pour sonner midi, ou l'heure de la sortie? Il paraît que le lierre te retenait prisonnière, le mécanisme immobilisé par la plante en verdificoté. Moi, je te connais depuis de longues années, je ne m'en souviens pas. Est-ce le cas? Mais jolie comme tu es dans ton cadre de briques roses, voilà ce que je te propose, te garder pour la postérité. C'est une pendule, elle n'a jamais marché. Elles sont couseuses, racoutreuses, pointeuses, gratteuses, piqueuses ou matelasseuses à la filoche de Chaligny en Meurthe-et-Moselle. Elles sont pour la plupart nées dans la région et ont commencé jeunes à s'embaucher aux tricoteries, qui comptent alors plus de 500 employés. Alors que le marché du textile s'achemine inéluctablement vers la crise, les ouvrières apprennent officiellement, au mois de juin 1971, que la filature va fermer. De manière unanime, elles refusent ce licenciement injuste. Dès le lendemain, la grève, avec occupation d'usine jour et nuit, est votée. Puis, une grande marche sur Nancy est organisée pour réclamer le droit au travail. Partie 400 de la filature, elle se retrouve 5000, place Stanislas, après avoir parcouru 16 km à pied, en compagnie, entre autres, d'ouvriers de la métallurgie, de responsables municipaux ou de commerçants. La presse locale titre « Les filles de Chaligny, grâce à leur lutte, montrent la voie à suivre ». Elles aiment leur profession, revendiquent comme les hommes à part égale le droit au travail et désertent le foyer conjugal pour défendre leur emploi. La résistance de ces travailleuses devient dès lors emblématique des combats ouvriers de la région et de ceux des femmes en général. Moi, j'ai commencé à 16 ans. Annie Laurent. J'étais au collège, j'apprenais un métier, puis vu ma situation familiale, fallait que j'aille travailler, quoi. Donc, un jour, je suis sortie du collège, je suis rentrée à la filoche. J'étais voir s'il y avait du boulot, on m'a dit oui, tu commences lundi. Quand je suis rentrée chez moi, c'est ma grand-mère qui m'élevait, j'ai dit bon, moi, je vais plus à l'école, je vais travailler. Après, je me dis peut-être que j'aurais pu avoir autre chose de mieux, mais finalement, mon travail s'est bien déroulé jusqu'à la fin, alors pas de souci. Et donc, quand vous arrivez à la Filoche, voilà, vous êtes jeune, 16 oui, ans, 16 ans. Comment ça se passe? À quel poste vous commencez? Ben, je commence au métier où on fabriquait le tissu, hein. Donc on recevait les bobines, les fuseaux de laine ou de coton qu'on mettait en bobine, qui allaient sur des métiers où Jackie était, et là, sur ces métiers, sortait le tissu. Après, ça montait à la confection, et les gens travaillaient avec ce tissu, quoi. Et moi, je faisais les postes, j'avais 16 ans, alors une semaine, 1 heure, 9 heures, et une semaine, 5 heures, 1 heure, 13 heures, quoi. Et vous avez changé de poste après, Annie Laurent? Comment ça s'est passé? Ben oui, parce qu'après, ils ont fermé ce tissage, là, et ils m'ont formé pour aller à la confection, quoi. Donc, j'ai fait 10 ans de confection. J'étais couseuse. Mmh. Annie Ravaillé. Je suis allée 3 années dans une école où j'ai fait de la couture. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, à 18 ans, j'ai eu un CAP et je me suis dirigée vers la couture. À ce moment-là, il y avait énormément d'ateliers de confection. J'ai travaillé donc dans plusieurs petits et puis je me suis retrouvée chef de chaîne assez jeune, à 24 ans, à Neuf-Maisons, entreprise Besson. Nous faisions des pantalons. Il y avait une 30aine d'ouvrières, mais c'était assez dur parce qu'elles n'avaient pas la possibilité de s'arrêter. Si on changeait de canette parce qu'il n'y avait plus de fil, eh bien, on était obligé de mettre l'article à terre et le récupérer pendant le quart d'heure qu'on nous donnait toutes les 2 heures pour nos besoins personnels. J'y suis restée 4 années. Et puis après, je me suis embauchée à la filature en 1967. À noter que la coupe doit être effectuée à la main. Aucune machine ne pouvant remplacer le savoir-faire de l'ouvrière spécialisée. J'étais jeune mariée, mon mari étant de Neuf-Maisons, je suis venue habiter Neuf-Maisons. Je suis rentrée en 1966, en février 1966 exactement. Et vous, Paulette Goguet, vous aviez une formation un petit peu, un CAP, je ne sais pas, dans le textile ou pas du tout? Non, je n'avais pas de CAP, c'est-à-dire que je suis rentrée à 14 ans dans un atelier de confection à Nancy. Donc j'ai été formée sur le tas, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc j'avais déjà une formation de piqueuse, on appelle ça, puisque je travaillais sur une machine à coudre. J'ai été mise tout de suite sur une machine. L'ambiance était très bonne. Bon, c'est vrai qu'on se faisait quand même des assez bons salaires. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de travail, parce qu'on faisait quand même, à une époque, 48 heures par semaine. On faisait 9 heures par jour, plus le samedi matin. On ne demandait pas mieux, parce que, bon, bah, surtout en étant jeune mariée, on avait besoin d'argent. Ça vous arrive de vous piquer les doigts? Oh non, on ne fait pas. Il y avait une chanson? Ce sont les paroles, là. Mioche, je suis rentrée à la filoche. Mature, je suis sortie de la filature. Pendant un bon nombre d'années, j'ai travaillé sur ces métiers à tisser. J'ai coupé, déroulé et pesé le tissu, toujours avec la même gaieté. Alors toi qui veux travailler, viens te faire embaucher au métier. Et foi de bonnetier, tu seras bien rémunéré. À la fin de l'année, dans le colis, te seront remis champagne et poulet fermier. Alors n'hésite pas, viens, ventre à terre, et tu auras aussi droit à 50 kilos de pommes de terre. C'est vrai, on les avait. Elles arrivaient à la gare et on allait chacune chercher ses pommes de terre. On vient à la filoche pour s'en mettre plein les poches, à l'atelier pour travailler. À la sortie, on se récrie. Nos maris sont jaloux, ils gagnent moins que nous. Nous y allons même le samedi matin au lieu de se faire des câlins. C'est vrai que quand il y avait du travail, on y allait en plus supplément le samedi matin. Oui, quand j'ai commencé, c'était comme ça, il y avait plein de travail. On faisait des maillots de bain à l'époque. Et vous êtes rentré à quel âge alors, vous, Jacques? 14 ans. J'ai envie de travailler, je voulais gagner de l'argent, je voulais m'acheter tout ce qu'on désirait quand on était jeune. Et là, on avait la possibilité, donc il fallait travailler assez jeune, quoi. Voilà. Et vous êtes rentré facilement à la filoche? Vous aviez déjà de la famille qui travaillait? Oui, j'avais déjà une sœur qui travaillait, donc il y a eu une petite... complicité, et puis ça s'est bien passé, quoi. Voilà. C'est quand même une entreprise de femmes, hein, majoritairement. Voilà, majoritairement, c'était femmes, mais bon, nous, on était une cinquantaine d'hommes quand même, parce qu'il y avait des pièces à la portée qui étaient déjà dans les 60, 70 kilos. Ça serait maintenant, on ne porterait plus, ça serait interdit. Mais à l'époque, il fallait quand même des jeunes costauds. Et vous étiez ensemble, dans l'espace, oui, de l'usine, c'était mixte. Oui. Il y avait plus d'hommes sur la partie basse du bâtiment, c'était tout ce qui était tissage métier. Le haut, c'était la coupe, donc la plus grosse majorité de femmes étaient sur l'étage supérieur. C'est marrant quand on en reparle maintenant, parce qu'on ne se connaissait pas trop à l'époque. Il y avait une séparation de niveau, et le bas, c'était le bas, le haut, c'était le haut. Voilà, c'était comme ça. Pour nous expliquer un petit peu là comment, parce que là on voit bien sur la photo il y a toutes les bobines. Oui, rouge, blanche. C'est des bobines qui arrivaient sur un présentoir. Et puis là, on les mettait sur les métiers. Donc ça, c'est un métier, c'est un rectiligne. C'est un petit peu comme les métiers qui vendent maintenant les machines à tricoter en plus gros. C'était un métier tous des chariots qui tournent avec les bobines dessus, les aiguilles, et ça tisse tout seul. Et tous les panneaux sortent un au bout de l'autre. Il suffit de tirer un fil pour que tout se sépare. Donc, on travaillait avec des tailles. Tout nous était donné par patron. Alors, on avait des tailles qui correspondaient. Voilà. Et vous, le gros de votre travail, c'était de vérifier que le fil passe bien, que l'aiguille ne casse pas. S'il y avait une aiguille qui cassait, c'était une maille coulée, qu'on appelait ça. Et plus il y avait de mètres, plus on se faisait sermonner, quoi. Il fallait pas. Il fallait. C'était sur une distance de 50-60 cm, il fallait qu'on l'aperçoive tout de suite. Donc il fallait toujours avoir les yeux sur... On avait 4-5 métiers chacun, et il fallait guetter. C'était vraiment de l'attention. Je suis rentrée simple ouvrière, comme toutes les autres, et au bout de 2 ans à peine, ils nous ont choisi, 3 ouvrières, Danielle, Suzanne et moi, pour passer des tests, et nous sommes allés à 3. Nous avons fait 1 mois de formation pour monitrice et après agent de méthode aussi. Et ça n'a pas posé de problème, c'était possible? C'était possible, bien sûr. Nos maris étaient assez fiers, comme nous. Mmh. Ça, c'était une promotion, on y travaillait. Oui, bien sûr. Mmh. Oui, j'aimais former. J'étais douée pour montrer. J'aimais beaucoup mon travail, oui. Alors, comment ça s'est passé alors après votre travail justement de monitrice à la filature? Au départ, je faisais les tarifs avec le chronométreur, c'est-à-dire que quand il arrivait un nouvel article, je me mettais sur la machine moi-même, je faisais les opérations et le chronométreur était à côté de moi parce que le prix, il fallait bien le déterminer. Et ça me plaisait beaucoup. Chaque opération donnait un temps, et un temps donnait de l'argent. Le tarif était établi, il était le même pour tout le monde. Mais quelquefois, le personnel n'arrivait pas à faire sa journée, parce que plus le travail était compliqué, c'était pas assuré à chaque article, n'est-ce pas? Moi, j'essayais d'être juste, de partager le travail. Si elle avait eu du compliqué ou du qui payait moins, il y en avait, et bien la fois d'après, j'essayais de compenser, si elles étaient 2 ou 3 à faire le même travail, de leur donner, et puis après de leur donner du plus facile. Voilà, donc ça commençait déjà par le fil, la teinture. Après, ça remontait pour le mettre sur fuseau. Joël. Après, donc, c'était tissé, il y avait le tissage. Le tissu, après, venait comme ça. Donc, il y a eu la coupe. Alors, il y avait des traceuses, des coupeuses, des matelasseuses, des lieuses. Et après, les personnes qui emmenaient ça aux machines, les distributrices. Alors là ça faisait, les machines avaient plusieurs postes. Ils avaient ou des postes de couseuses ou des postes de piqueuses. Il n'y a que... Qu'est-ce qu'il faisait encore des... Les vignettes. Il y avait les vignettes. Donc, à l'époque, on faisait le maillot de bain pour l'été, culotte courte pour l'été. L'hiver, c'était des pantalons. Nous, on disait le 8 serrures. Donc, c'était une sorte de tissu qui était plus épais. Les nœuds, plus. Donc, on faisait des pantalons dedans. Dans le filkin, il y avait les robes de chambre pour hommes, robes de chambre pour femmes et pour enfants. Et il y avait aussi en molleton. Dans ce que vous appelez maintenant du polaire. Est-ce que ce sont aux pièces? Ah oui, toujours le travail. C'est-à-dire uniquement le travail aux pièces. C'est-à-dire chaque jeune fille a un ticket qui correspond à l'opération qu'elle exécute à longueur de journée. Aujourd'hui, madame, 1970. Chaque vêtement possède, à la coupe, un ticket. Ce ticket, c'est le ticket. Si vous voulez, c'est sa carte d'identité à ce vêtement. Et alors, à cette carte d'identité, on ajoute une carte qui comporte autant de tickets qu'il y aura d'opérations à faire pour faire ce vêtement. C'est-à-dire que l'ouvrière, plus elle fait de tickets, plus elle gagne d'argent. C'est ça. Il y avait une distributrice qui nous apportait un chariot avec tous les articles dedans, 30 articles, mettons. Et chaque fille faisait son opération. Quand je suis arrivée, j'ai posé des poches sur le haut du pyjama, mais il ne fallait qu'aucune couture soit apparente. Donc il fallait piquer la couture à l'intérieur. C'était vraiment spécial, il fallait un sacré coup de main pour travailler en intérieur. Alors la deuxième opération, c'était les coutures d'épaule, après le montage de manches, fermer les coutures latérales. Chacune avait son opération. Et le soir, on calculait notre journée. C'est ce qui faisait notre salaire. Travailler à la filature, c'était plutôt un bon travail, c'était bien payé par rapport à d'autres industries textiles de la région? Bien sûr, parce qu'à la chaîne, c'était un prix de l'heure, c'est tout. Tandis que là, chacune était payée pour ce qu'elle travaillait. Moi, je dois dire, j'étais chef de chaîne auparavant. Quand je me suis trouvée le premier mois sur ma machine, simple ouvrière, à la filature, j'ai gagné plus que chef de chaîne dans l'autre atelier. J'étais payée aux pièces. J'aimais l'ambiance qui régnait dans l'atelier. Quand nous faisions les robes de chambre en filquine, c'était l'été, nous les confectionnions pour l'hiver suivant. Je me souviens que pour chaque robe de chambre, nous découpions des tickets. Si nous avions bien travaillé une journée, nous gardions des tickets pour le lendemain, mais je crois que nous n'avions pas le droit. Nous travaillions tout à la chaîne, c'est-à-dire que nous dépendions l'une de l'autre pour obtenir le meilleur rendement possible. Sur un travail, lorsqu'une copine prenait du retard, il y en avait toujours une pour l'aider, afin que la chaîne ne s'arrête pas. Sinon, c'était de l'argent perdu pour tout le monde. Je détestais la période où nous faisions les maillots de bain parce que la tâche ne payait pas. C'était un travail minutieux et qui comprenait des opérations délicates. Je me souviens particulièrement des doublures en voile. Lorsqu'il fallait les poser sur un tissu extensible, il fallait être prudente et aller doucement. Je produisais moins et en conséquence, je gagnais moins. Je pensais que j'aurais pu faire une plus longue carrière. À l'époque, l'entreprise tournait bien, elle prospérait, il y avait du travail. Je dis encore que c'était le bon temps. Au départ, beaucoup de filles allaient travailler à mobilette, à vélo. À vélo, elles emmenaient les enfants sur le petit porte-bagages parce que nous avons toujours commencé à 7h le matin. C'était dur quand il fallait qu'elles emmènent les enfants sur le vélo, la mobilette, chez la nourrice. Moi, c'est ma belle-mère qui a gardé ma fille. Mais il y avait peut-être beaucoup d'enfants qui étaient gardés par les mamies. Ça se faisait beaucoup parce que les grand-mères ne travaillaient pas comme à notre époque. Nous, on a travaillé jusqu'à 60 ans. Je ne regrette pas mon travail. Soit à la coupe ou bien sur une machine, j'ai toujours aimé mon métier. Malgré qu'il y avait des contraintes, c'est vrai. Quand il fallait travailler, on demandait de faire des heures supplémentaires, on y allait. Le samedi complet, on y allait. Ou dire à 6h du matin. L'été, on travaillait de 5h à 1h, tellement qu'il faisait chaud. C'était les verrières, là, il faisait chaud l'été. Mais toujours, toujours à 7h au travail. C'était dur, ça. Ça ne changeait pas, c'est pas dans des horaires libres. Et puis il y avait la pointeuse. Les filles étaient obligées d'arriver et nous un quart d'heure avant. Et les filles se pointaient. Si elles arrivaient 5 minutes en retard, on leur enlevait un quart d'heure. C'était vraiment strict, oui. Vous, Paulette Gauguet, vous allez partir, vous partez en congé maternité assez rapidement et vous revenez en 68. Je reviens en 68 et juste avant de revenir, alors c'est là que l'aventure a commencé. J'ai une amie qui est venue me voir, donc Yvette Pémal, qui était à l'époque qui avait lancé l'organisation syndicale, qui m'avait demandé si je voulais partir avec eux. Bon, sur le coup, j'ai un petit peu hésité parce que on ne savait pas trop dans quoi on se lançait. Et puis, il faut dire que le temps que j'étais partie en congé maternité, l'ambiance avait beaucoup changé dans l'entreprise. On avait eu un nouveau directeur qui nous a mis une ambiance. Alors, quand on a vu ça, bon, je pense qu'on était davantage motivés pour créer une organisation syndicale. Et donc, c'est Yvette Pémal qui prend la direction ? Oui, le secrétariat de l'organisation syndicale. Alors, qui était cette Yvette Pémal ? Alors, Yvette Pémal était une fille de mineur, avec un papa qui était quand même assez engagé aussi. Donc, elle avait de qui tenir. Et puis, il faut dire aussi qu'elle avait la parole assez facile. Et je me souviens qu'on faisait des réunions en dehors des heures de travail, et clandestinement, puisqu'on n'avait encore pas présenté l'organisation syndicale à la direction. Donc, il y a eu les élections. Et donc, vous allez être élue, vous, déléguée syndicale ? Oui, toute la liste a été élue. On était la seule liste. Et donc, il n'y avait pas d'hommes ? Il n'y avait pas d'hommes. Non, il n'y avait pas d'hommes. On n'était que des femmes. Bon, il faut dire que dans l'entreprise, les hommes étaient minoritaires, puisqu'ils étaient peut-être une vingtaine. Et donc, c'était la CGT ? CGT, oui. Et lors de cette première réunion dans un café à Neuf-Maisons, vous vous souvenez, Paulette Goguet, les grands points de revendication que vous aviez, vous, les travailleuses de la tricoterie, justement ? C'était déjà surtout au niveau salaire, parce qu'on nous avait mis des chronomètres. Donc, vous aviez une personne qui était là avec son chronomètre à passer des heures à côté de nous. C'était même stressant. Et quand on nous annonçait les prix de ce qu'on pouvait gagner, on se disait, mais c'est pas possible. Par le fait, nos salaires auraient diminué si on s'était laissé faire. Parce qu'on nous mettait toujours une cadence toujours plus forte pour des salaires plus bas. Ça a commencé à dégrader déjà là, donc il y a des trucs qu'on ne faisait plus. Ça se faisait, je ne sais même pas où d'ailleurs. Yves Vachelin. Puis moi je suis parti à l'entretien, puis après, il a commencé à avoir une mentalité, avoir des, comment il s'appelait, des chronomètreurs. Ah oui. Alors le mec qui vous suivait toute la journée pour voir, mettre tant de temps pour faire ci, tant de temps pour faire ça. Ouh là là, on déterminait alors ce qu'on pouvait faire au moins au minimum. Les chefs disaient, puisque elle a fait ça, tout le monde doit faire ça. Alors on avait compris, nous, quand on nous chronométrait, on se ralentissait le rythme. C'était complètement dingue. Quoi. Là, ça a commencé à changer. Oui. Avoir des gens comme ça qui... Enfin, je sais pas, ça me bouffait, ça, moi, parce que de voir que nous, on faisait notre boulot à 8 heures, puis qu'il y avait un mec qui était à côté, là, qui était pas du tout productif. Ah, parce qu'ils ne produisaient rien. Et puis, il était là à suivre les gens comme ça toute la journée. J'ai dit, mais c'est quoi ce monde de fou, là moi, je vous dis, ça m'a... C'est pour ça que je me suis barré, parce que là, j'ai dit, ça peut pas aller, ça. Vous vous souvenez, qu'est-ce que vous avez... Celui-là, non. Alors, voilà. Oui, je m'occupais de l'eau, le poêle. Pour les tissus, il ne faut pas qu'elle soit calcaire. Donc il y avait des énormes bassins, disons. Et il fallait traiter l'eau, qu'elle soit toujours à un taux bien précis. Ça c'est pareil, je faisais ça la journée. Quand c'était moins bien, j'y retournais la nuit pour refaire des générations. C'était assez pareil. Quand j'y repense, je me dis, c'était complètement fou, parce que aujourd'hui, ça serait impossible à faire, ça. Et puis on y allait de soi-même, il n'y avait personne, à l'époque, je me rappelle, il y avait personne qui me disait « il faudrait que tu reviennes à telle heure pour faire ça ». C'était un mode de travail, je veux dire, on travaillait pour tout le monde. Alors, vous lisez un extrait, Yves Vachelin ? Si vous voulez. Ouais, je suis rentré par un tuyau, puis on m'a déposé dans un récipient pour m'y laisser un jour ou deux. Là, je profitais du soleil, j'étais heureuse au grand air, mais cela n'a pas duré. Je me suis senti aspiré pour aller vers je ne sais où. Quand j'ai revu la lumière, j'étais dans un nouveau récipient, beaucoup plus petit que le précédent et qui ne m'inspirait pas confiance. Puis on m'a mélangé avec une grosse quantité de sel avant de me retrouver bousculé de droite à gauche et de bas en haut. Je suis passé au travers d'une multitude de petites billes qui m'ont débarrassé d'une partie du sel. Puis j'ai fait un autre voyage où je me suis retrouvé de retour à l'air libre. Ce troisième récipient se trouvait juste à côté du tout premier. Et cette rencontre avec le lien fut très brève. La suite du voyage ne fut que tissu, des pièces qui se baignaient. Là, on a voulu que je change de couleur et on m'a intoxiqué, puis on m'a chauffé très fort. Le supplice prit fin lorsqu'après m'avoir épuisé, on se débarrasse de moi en me jetant de l'univers peu banal des égouts. Puis l'eau là coulait dans la Moselle, toute oui. colorée. Toute colorée. Ah oui, et on allait pêcher les goujons, qui étaient un petit peu bleus. Paulette Goguet. Donc on s'est remis en grève, ça devait être en septembre quelque chose, après les vacances 69, parce que en fait les accords qu'on avait obtenus en 68, donc augmentation de salaire, tout ce qui suit, avait été remis en cause. Et c'est vrai que, bon, pour les patrons, c'était assez facile, quand des ouvrières travaillent au rendement, comme ça, de faire baisser les prix à la pièce. Donc, on avait beau travailler, on voyait nos salaires qui ne bougeaient pas beaucoup. On avait eu, déjà en 69, il y avait déjà eu une alerte. Jackie Boutron. On était encore un petit peu avant que ça ne parte. On ne nous mettait pas trop au courant, mais les syndicats avaient pigé que ça chauffait, ça commençait déjà plus, ça battait un peu de l'aile, quoi. Et donc, ils nous ont fait comprendre que nous, les métiers, ils partaient. Donc, on était licenciés. J'étais syndiqué. Donc, dès qu'il y a eu la première vague à larguer, j'étais dedans, quoi. C'était un petit peu logique. On m'avait dit, ne te syndique pas, machin. On n'était pas trop bien vu. Donc, on nous faisait comprendre qu'on avait un contremaître, monsieur Nebecker, qui venait, qui m'a dit, gamin... Réfléchis bien, on prend une carte de syndicat, machin. Donc c'était déjà un petit peu, la pression. Mais j'ai toujours vécu, mon père des syndiqué, puis j'ai pris ma carte de syndiqué, puis après, bon, bah, n'importe comment j'aurais été largué aussi, 3 ou 4 mois après, ou 5 mois après, mais ils nous liquidaient, hein, c'était... Et vous n'avez pas été repris, vous ? J'avais une possibilité d'être pris, mais ça ne m'intéressait pas. C'était déjà à Épinal, le lieu ne me plaisait pas trop, et puis l'environnement, tout. J'ai préféré rester sur Chaligny. Voilà. 2 ans après, il fermait aussi à Épinal. J'avais un bon petit nez quand même. J'ai senti le truc arriver. Mais après, je suis rentré à l'usine de maison. Donc là, c'était sur la métallurgie Ah, métallurgie, là, on changeait complètement. On n'avait plus de si belles mains, on n'était plus habillés aussi propres. C'était, puis je retombais, manœuvre, quoi. Alors que là, j'étais chef d'équipe, en dernier, je ne ferais plus passer contre maître. J'avais mangé une partie de mon pain blanc, je retombais vraiment dans le bas de la chaîne. Donc j'ai refait des cours, puis j'ai repassé un CAP, et puis j'ai remonté les échelons, puis j'ai refait carrière à l'usine, et puis j'ai resté pareil, 8 ans à l'usine, et puis après ça ne me plaisait pas, parce que c'était pas... C'est pas ce que j'avais connu là, quoi. Puis je dis, travailler avec des hommes, c'est entre hommes, c'est un peu sauvage, un peu, c'est dur, hein. c'est pas facile. Hein. Cinq colonnes à la une, 1968. Depuis maintenant 6 mois, le textile est en crise. Réduction d'horaire, fermeture d'ateliers, d'usines même. De mois en mois, on espère la relance. À la fin de l'année dernière, on comptait sur la saison du blanc. Au début de cette année, on entrevoyait une reprise pour le printemps. Aujourd'hui, on parle de l'automne. Pour resituer d'ailleurs l'histoire, ici, on est dans une sidérurgie qui a démarré dans les années 1880. Jean-Paul Vachon. Après donc, l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine pour partie. Et on va avoir un grand groupe qui se crée donc fin du 19e siècle, qui est déjà solide sur ses jambes et qui tourne autour des mineurs. Et puis se crée autour donc ce qu'on appelle des tissages. Et ces tissages, on va avoir les calces, on va avoir la filoche, on va avoir tout ça, se crée au début du 20e siècle. Et puis après, il y a toute une histoire qui est en train de se faire. On perd la première la galerie mine ici à Neuve-Maison en 1967. Et quand on commence à perdre toutes nos mines, avec la minette Lorraine, arrive donc très très rapidement un mélange des deux minerais. Un minerai de minette qu'on va chercher nous de l'autre côté de la colline à Cézeray, et puis le minerai qui vient de Mauritanie. et le sacré minerai qui vient du Brésil. On a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va transformer cette sidérurgie. Alors c'est pareil pour les machines à la filature, c'est la même chose dans le sens où on trouve là écho à des recherches internationales des petits métiers qui se faisaient ici et qui se faisaient rapidement dans des pays, dans un premier temps le Maroc, dans un deuxième temps la Tunisie, et plutôt les pays méditerranéens, qui vont reprendre tout ce que les fileuses faisaient donc ici. Alors on commence à fermer des emplois. Et il y a des vallées complètes donc dans les Vosges, fin des années 60, qui ferment, mais alors complètement. Donc c'est pour ça que c'est pareil. Donc des conflits sur la sidérurgie et les filatures vont être monnaie courante des années 65 jusqu'encore maintenant, où il y a eu Florange il y a 2 ans. Comment ça se passe donc pour la grande grève là, qui va faire parler d'elle hein, en 1971 est-ce que oui. Vous la voyez venir, vous, Paulette Goguet? Bon, c'est... Oui et non. Et on sentait déjà un vent d'insécurité. Bon, ça a duré quand même 2 ans, à savoir qu'il y avait des postes qui commençaient à se supprimer, par exemple dans les bureaux. Donc on s'est dit, il faut tirer le signal d'alarme. Et quand on en a parlé au directeur, il nous affirmait que non, Chaligny ne fermera pas. Mais on restait toujours dans le doute, on restait toujours en contact quand même avec les délégués des autres entreprises. En plus, on changeait souvent de direction. Hein. Il y avait d'autres personnes qui arrivaient, là, qui ne restaient pas longtemps. Et quand on sent ça, on se disait, ça ne sent pas bon. Hein. Oui, parce qu'il y avait plein d'entreprises. Ben, je pense à Roubaix, ça commençait aussi à fermer. Il y avait Boussac fermé. Oui, puis sur Nancy, il y avait pas mal d'entreprises. Bon, c'était vraiment la crise du textile, enfin, si on peut appeler crise. Moi, je pense que, bon, de mon point de vue personnel, de la part des patrons, c'était voulu. Le travail se faisait à l'étranger, alors que... Pour moins cher. Pour moins cher. Alors, s'ils pouvaient prendre des bénéfices ailleurs, il ne voulait pas s'en priver non plus. Et donc, Paulette Goguet, alors ce moment-là où vous apprenez, c'est sûr, Chaligny va fermer. Voilà. Quel souvenir vous en avez? Alors, ça s'est passé comme ça, c'est que mes camarades qui allaient au comité central donc ont appris. Moi, j'attendais le coup de fil parce que je savais très bien pourquoi elles allaient là-bas. Elles le savaient aussi. Yvette m'a téléphoné à l'entreprise pour me dire, voilà, ça y est, l'entreprise ferme pour le 1er juillet ou 1er septembre. Enfin bref, je l'ai annoncé à toutes les ouvrières. Tout le monde s'est arrêté, même les chefs. J'ai prévenu également l'Union départementale CGT, donc le responsable est descendu, parce que je lui ai dit, bon, ben maintenant, il faut faire quelque chose, on ne va pas se laisser faire. Le travail s'est arrêté spontanément, et on a occupé l'usine. Et c'est là que, le même jour, on a décidé de faire la marche sur Nancy. Et puis, nous avons fait la grève. Alors, vous êtes monitrice, vous n'êtes pas simple ouvrière, vous n'êtes pas syndiquée, vous, à venir travailler? Non, nous ne sommes pas syndiquées. Il y avait beaucoup de réunions, on a été aidés quand même par les responsables extérieurs, les syndicalistes. Ça, c'était triste tout de même, hein. Et long. Et ne pas savoir si nous serions repris, hein, parce que les ateliers fermaient les uns après les autres. Dans le temps, il y avait 6 ateliers de confection à Neuf-Maisons. Il y avait les caleçons, c'était chez Seligman, près de la gare. Ils étaient plus de 100 personnes, ça avait déjà fermé. Mais ils ont été jusque 600 employés à la filature, quand il y avait les tissages en dessous. 600. Et dire que maintenant, sur 6 ans, il n'y a plus rien du tout. C'est la conception actuelle. Alors, cette occupation d'usine, Paulette Goguet, donc, comment ça se met en place? Eh bien, on a fait un roulement, on faisait des groupes, chacune, selon ses possibilités. Les délégués restaient quand même la plupart du temps. Bon, on se relayait aussi, hein, parce que, à savoir qu'on a occupé l'usine pendant 2 semaines, le jour et la nuit, les jours, les week-ends, l'usine était toujours occupée. On avait amené des lits de camp, enfin des couvertures, tout ce qu'il fallait. On dormait sur place. Et puis, on avait un boulanger de 9 maisons qui nous amenait du pain les matins pour le petit déjeuner. Parce qu'il faut dire aussi que les commerçants étaient vraiment sympas avec nous. Ils nous ont aidés, ils nous ont soutenus. Parce qu'eux savaient aussi que si l'entreprise fermait, ben, eux en subiraient les conséquences aussi. Et la direction, à ce moment-là, elle a évacué l'usine. Comment vous discutez, vous êtes en dialogue avec eux ou pas du tout? Ça y est, c'est fini, ils sont partis. Les directeurs pouvaient passer tant qu'ils voulaient. On a très bien entretenu l'usine. D'ailleurs, je pense que quand on a repris le travail, l'usine était peut-être même encore plus propre qu'avant. On a fait ça dans le plus grand respect. On avait même des visites. Il y avait monsieur Clairbout, le maire de Neuf-Maisons. Il y avait monsieur Valence, le maire de Chaligny. Mais on a été beaucoup soutenus aussi par les hommes. Hein. Faut dire aussi que, bon, ils étaient avec nous quand même. Hein. Vous vous rendez compte des femmes qui occupent une usine jour et nuit, les samedis, les dimanches, pendant 2 semaines. Bon, ben, il fallait que les maris soient tolérants. C'est vrai qu'ils l'ont été. On a été vraiment soutenus, que ce soit par les ouvriers, par nos maris, par nos familles aussi, heureusement, parce que je ne sais pas si on aurait pu faire tout ce qu'on a fait. Et donc, Jackie Boutron, alors vous, au moment de la grève, vous n'êtes plus à la filature, mais vous avez quand même participé à cette grève. Oui, enfin... on a un petit peu épaulé quand même cette action, parce que ça n'a pas été facile pour les femmes qui travaillaient là. Enfin, tout le monde a subi des conséquences. Après ça, l'usine, tout le monde... Il y a eu des grèves partout, quoi. Et puis, il y avait quand même une dynamique. Voir les gens qui montaient à Nancy comme ça, ça a fait un tollé. Hein. Les médias et tout, ça a bougé. Hein. C'est la première fois que ça se produisait en France, une marche comme ça. Annie Laurent. Moi, mon mari était policier à l'époque, CRS. Lui, il était à Paris en... Comment ? On travaille, quoi. Puis nous, on était derrière la grille à la Filoche. Quand il a ouvert les journaux le lendemain à Paris, qui c'est qu'il voyait en photo ? Sa femme et ses collègues. Mais comme c'était... Comment ? Il nous soutenait, il n'y a pas eu de souci, quoi. On avait bien fait. Comme je vous dis, moi, j'ai fait la marche en espadrille enceinte de mon fils. Alors, c'était terrible, parce que quand on montait... Dans les rues, les gens pleuraient, nous applaudissaient, arrivés jusqu'à Nancy, quoi. La Filoche, c'était quand même... Nos grands-mères, nos mères ont travaillé là. C'était connu. Même Nancy, les commerçants, tout ça, ils le savaient. C'était pas la petite boîte de village, le machin. Là, c'était reconnu, c'était connu dans le secteur, en Meurthe-et-Moselle. Alors, à la page 58... Après l'annonce de la fermeture de l'entreprise, nous avons décidé de nous rendre à la préfecture de Nancy à pied. 16 kilomètres pour réclamer le droit au travail. Le rassemblement eut lieu devant la Filoche. Nous avions préparé des banderoles qui disaient non à la fermeture des tricoteries de Chaligny. Les sidérurgistes étaient là pour nous soutenir et ils ont marché avec nous. En route pour Nancy, nous étions plus nombreux que nous n'avions espéré et pourtant nous n'étions pas au bout de nos surprises. Tout au long du parcours, les habitants nous attendaient pour nous encourager. Après la traversée de Chavigny, nous sommes arrivés sur le plateau de Brabois, devant l'hôpital qui était en construction à l'époque. Lorsque nous sommes passés, les ouvriers qui travaillaient sur le chantier se sont soudain arrêtés et sont venus nous attendre sur le bord de la route. Ils nous encourageaient par des applaudissements. Arrivés à hauteur de l'école de géologie, nous étions attendus. Les étudiants postés sur la passerelle, ils frappaient dans leurs mains et criaient des mots d'encouragement. Ce fut ainsi tout le long de la marche jusqu'à la place Stanislas, où nous étions environ 5 000. De nombreuses autres entreprises de la région s'étaient jointes à nous pour lutter contre la fermeture de l'usine. Puis les responsables ont pris la parole. Il y avait principalement Yvette, notre responsable syndicale, qui expliquait fort bien la situation. Nous avions les larmes aux yeux en l'écoutant, en voyant tout ce monde auprès de nous. Ce fut une journée inoubliable. 16 kilomètres gravés dans la mémoire et qui auront marqué toute une population et toute une génération. Ça a été un moment très fort parce qu'on ne pensait pas avoir une telle participation. Vous savez, on disait, oh, une usine de femmes, bon, ben, les femmes qui travaillent, c'est vrai qu'à l'époque, des femmes responsables, c'était pas tellement bien accepté, c'était, mais bon, on s'est battu contre ça aussi, hein. Le but, c'était un petit peu ça. On voulait faire valoir nos droits quand même. Lorsque survient la grève, Jeannine Olmy vient d'être élue secrétaire départementale CGT de Meurthe-et-Moselle. Alors pourquoi une marche sur Nancy? Tout le monde n'y pensait pas à ça. Mais la CGT y a pensé parce que ça avait été précédé. En 1963, il y a eu la grande marche des femmes de mineurs. Elles marchaient, elles allaient quêter aux portes des entreprises pour la grève de leur mari, 79 jours au fond de la mine Atrieux en 1963, en automne. Ça a commencé au mois de novembre, ça s'est terminé après Noël. Ils ont fêté Noël au fond de la mine. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et de voir cette femme-là, je m'en souviens, elle venait chanter la chanson des mineurs. J'en suis encore émue. Et elles venaient quêter pour voir que leurs enfants puissent manger et leur mari, mais j'avais plus de paye. Hein. À l'époque, quand on faisait la grève, on n'était pas payé, hein, personne. Hein. Et alors, bon, pour en revenir à Chaligny, c'est inscrit dans cette logique-là. Ça existait déjà. Et alors, donc, vous, Jeannine Olmy, vous allez la faire, cette marche? Vous êtes sur le terrain à ce moment-là? Ah, bah oui, moi, j'étais sur le terrain. C'est Yvette, c'est le secrétaire de la CGT qui les suivait, Michel Bertel, qui a été après maire de Blénau, qui a fait la prise de parole sur la place Stanislas. Il y a eu Yvette. Alors, la place Stanislas était noire de monde, inutile de le dire. Toute la gauche 68arde était réunie à cette occasion-là. Ça rappelait le bon temps. Voilà. Et donc, à la suite donc, de cette marche du 17 juin, Paulette Goguet, oui. Donc il y a des pourparlers qui se mettent en place et il va y avoir oui. Donc un repreneur. Un repreneur, c'était donc les établissements Frafort de Troyes avec comme PDG M. Frankfurter. Pour nous, ça ne s'est pas très bien passé pour les délégués. On n'a pas été repris, ils voulaient bien reprendre l'usine, mais pas avec les délégués. C'était un autre établissement, c'était une autre entreprise. Donc pour lui, c'était on efface tout et on recommence. Donc on a tous été licenciés, on était 11 délégués, je crois. Bon, les titulaires, les suppléantes. On a occupé notre local syndical et le directeur de l'époque nous avait téléphoné, nous a dit « si vous ne partez pas, j'appelle la gendarmerie ». Il y a quelques jeunes qui étaient vraiment des petites jeunes battantes qui ont essayé de s'éclipser certainement en allant aux toilettes, de sortir et de venir nous voir en nous disant « si vous voulez, on se met en grève, on arrête tout ». Nous, on n'a pas voulu parce qu'on a dit « maintenant, ça devient trop grave, là, vous avez un travail, il faut le garder ». Parce que si elles avaient fait ça, je pense que Frafort aurait retiré ses billes et après, c'était toute l'entreprise, c'était 400, plus de 400 personnes qui se retrouvaient sans travail. Du coup, bon, bah, on a dit, bon, c'est pas grave, vous continuez comme ça, vous faites votre travail et nous, bon, bah, on va se débrouiller autrement. On est partis chacun de son côté. Annie Ravaillé, vous allez être donc reprise? Oui. On sera racheté par Frafort, Babigros. Et une monitrice de Troyes est venue nous apprendre à faire les gigoteuses, là, justement, les pyjamas. On n'avait jamais fait de gigoteuses, les pieds, les petits pieds, là, qu'il fallait monter en tournant sur la machine. Mais je ne saurais pas dire combien ont été licenciés à ce moment-là. Et vous êtes resté jusqu'à quand? Vous aviez travaillé? Moi, je suis restée jusqu'à la fin 80. Ça, nous avons été repris par Adidas. Ils ne sont pas restés dans ces locaux-là. Ils ont construit une nouvelle usine. Et nous sommes allés là-bas, une centaine. J'ai terminé là, quand ça a fermé. Oui, parce que ça n'a pas duré très longtemps, non, Adidas. Non, en 86. quand l'atelier a fermé, Babigro, eh bien, ils nous ont distribué les machines. Une machine à chaque ouvrière, gratuitement. Alors j'ai une surjeteuse et j'en suis ravie parce que je travaille encore avec, comme j'ai le surfil à faire. Il y a trois fils, on est obligé d'avoir trois fils, il y a un fil d'aiguille. Hein, et puis le surfil, il fait, vous avez un crochet supérieur, un crochet inférieur. On peut coudre l'éponge et ça fait une couture très très très souple. Quand la filoche s'effiloche, la bataille pour l'emploi des tricoteuses de Chaligny, un documentaire de Séverine Yattard et Anne Fleury. Pour ne pas avoir d'échappée, il faut toujours laisser le dessous un tout petit peu dépassé. Avec les témoignages de Jackie Boutron, Joël, Paulette Goguet, Annie Laurent, Janine Olmy, Philippe Pinault, Annie Ravaillé, Claudette Robert-Vérel, Jean-Paul Vinchelin et Yves Vinchelin. Les textes sont extraits de l'ouvrage « La filoche de Chaligny, quand les tricoteuses se racontent ». Édité par Gérard Louis. Alors, remontez l'aiguille toujours en arrière. Et le couteau, le vlac, il descend à chaque fois là. Il coupe le trop-plein, tout ce que je laisse dépasser. Archivina, Aurélie Marsay. Voilà la surfileuse de l'atelier. Prise de son, Philippe Etienne et Tristan Gratalon. Mixage, Jean-Michel Bernou. Demain, nous continuons notre semaine dans la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des ouvrières et des ouvriers au XIXe et au XXe siècle. Nous traiterons du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, qu'on appelle habituellement dans le milieu des historiens, le métron. Comment peut-on écrire justement l'histoire de ceux et de celles qui n'ont pas laissé beaucoup de traces dans les archives? C'est ce que nous verrons avec nos deux invités. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours après sa diffusion, la télécharger dans l'année qui suit la diffusion, et puis également laisser vos commentaires sur notre site ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.